Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. Et puis, mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Ah bon? Mais alors comment faites-vous? De quoi vivez-vous? Pour venir en France, comme ça, il faut de l'argent. Eh bien, quand j'étais petit, mes grands-parents, les parents de mon père, me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. Et puis aussi pour mon anniversaire. C'est cet argent que je dépense maintenant. Mais dites-moi. Pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Mon hôtel n'est pas minable du tout. Mon hôtel n'est pas minable du tout. Comment est l'hôtel de Robert? Il n'est pas minable du tout. Mon père est peut-être riche. Mon père est peut-être riche. Mais pas moi. Mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Pourquoi Robert n'a-t-il pas beaucoup d'argent? Parce qu'il préfère être indépendant. Mes grands-parents me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. À Noël. À Noël. À Noël. Et pour mon anniversaire, mon anniversaire. Pour mon anniversaire. Mes grands-parents me donnaient toujours une centaine de dollars. Ils me donnaient une centaine de dollars. Une centaine de dollars. Il me donnait une centaine de dollars. Il me donnait toujours une centaine de dollars. Il me donnait toujours une centaine de dollars à Noël. Et pour mon anniversaire, quand les grands-parents de Robert lui donnaient-ils une centaine de dollars? À Noël et aussi pour son anniversaire.